ouvre une capule à lui. Il sort de sa poche. Bien, je vais te retourner la question. Celle que tu n'as pas voulu répondre. Non. Rapidement. Jusqu'où peut-on être son maître, son seul maître? Bon. Alors, on va partir du point de vue de l'homme. Et on va monter jusqu'au point de vue cosmique. Et s'il y en a qui, à un moment donné, ne suivent plus, bah, contentez-vous de au moins vous rendre jusqu'à où vous suivez. Être son seul maître, ça veut dire, premièrement, être capable d'entrevoir chez soi la nuance entre notre propre intelligence et l'intelligence transmise par l'éducation et par la tradition, par l'habitude. Cela veut dire être son seul maître, cela veut dire être capable d'assumer notre propre conscience et ne pas vouloir la faire assumer par autrui. Première partie de l'état d'être son seul maître, ne plus être collectif. Deuxième état, lorsqu'on est son seul maître, on peut inventer de la musique, composer de la musique, jouer d'un instrument, mais on ne peut plus écouter de musique. La musique étant une arme relativement astrale qui collectivise l'homme, le plaçant sur un rythme, le faisant vibrer sur un rythme qui n'est pas le sien. Un rythme qui plaît à la collectivité. Automatiquement, tout ce qui est symbolique disparaît de la vie de l'homme qui est son seul maître. Alors qu'il ne peut plus suivre de rituels qui parlent de la tradition. Il ne peut plus s'habiller à la mode. Il va donc être obligé d'inventer sa mode si cela est nécessaire. Si le linge à la mode lui va parce que ça vibre avec lui, pas de problème. Sinon, ça n'a rien à voir. Il pourra porter des souliers qui datent de 50 ans, ça n'a rien à voir. Il s'habille, il vibre avec lui. Il est son seul maître. Cela veut dire aussi qu'il ne peut plus avoir peur et qu'il ne peut plus être altéré dans son plan émotif par les conditions extérieures. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la guerre ou l'apocalypse, qu'il y ait cela ou ceci, ça ne dérange rien. S'il est son seul maître, ça ne laisse pas de traces dans sa psychologie. Il reste tout à fait efficace et il ne peut plus souffrir. Devenant un peu plus son seul maître, il prend conscience que la masse essaie de le manipuler, alors automatiquement, il devra devenir politicien. C'est-à-dire qu'il devra lancer son évolution, non pas dans la spiritualité ou dans la religion, parce que la religion interdit toujours à celui qui est à l'intérieur de s'en sortir. Tandis que la politique permet à celui qui est à l'intérieur d'inventer de nouveaux régimes, de nouveaux partis, de nouvelles philosophies politiques, de changer le monde. La politique n'est pas traditionnelle, tandis que la religion est traditionnelle, donc la religion ne veut pas changer l'homme. Elle veut le sauver, apparemment. Tandis que la politique permet le changement de l'homme, et l'homme changé pourra un jour comprendre ou accepter ou se sauver lui-même. Mélanger l'élixir de la religion à l'élixir de la politique est dangereux. Ça crée des fanatiques. On a ça au niveau du terrorisme international, on a eu ça au niveau de l'Allemagne d'Adolf Hitler, où on avait l'ésotérisme religieux mélangé à la politique. La personne qui devient son seul maître au point de vue planétaire, donc non plus du point de vue de l'homme, ne mélangera jamais les deux, mais ne pourra pas s'empêcher d'altérer ou de s'investir du temps dans la politique. Changer la société, parce que la société fait tout pour le changer lui. Lorsque l'homme devient son seul maître à ce niveau, il comprend l'intelligence de la manipulation des masses. Mais jamais il n'interdira à celui qui est dans la masse de sortir de la masse si celui-là veut se prendre en main. Tandis qu'il obligera, en manipulant la masse qui de toute façon est déjà manipulée, il obligera une manipulation qui pourra permettre à la masse un jour d'arriver à ne plus être manipulable. Mais ne plus être manipulable, non pas par le gouvernement, par qui que ce soit, donc une politique qui permettra à l'humain de devenir son seul maître. Au-delà de cela, l'homme qui devient son seul maître n'est plus manipulable par aucun des plans du monde, des mondes parallèles qui portent différents noms comme le plan astral ou comme le ciel. Cela veut dire que l'homme qui est son seul maître à ce niveau, on parle de l'homme qui est son seul maître du point de vue cosmique, ne peut plus être manipulé par aucune force du ciel. Si Satan se présente devant lui, Satan devra ramper à ses pieds. Et quelle que soit l'entité céleste qui se présentera devant le seul maître, l'homme, elle devra être l'esclave du seul maître. L'initiation par le feu de l'homme nouveau, lorsque celui-ci devient son seul maître, est obligatoirement la manipulation complète, l'emprise totale sur les forces luciférienne ou satanique, sur les forces du mal, du monde des morts, et même sur le monde des morts. Lorsque l'homme devient son seul maître, à ce point cosmique, il ne peut plus mourir, c'est-à-dire que même s'il perd le corps physique, il n'a plus aucune attraction pour le monde des morts ou pour le ciel. Il est assujetti à un double éthérique dans le plan supramental, c'est-à-dire dans les cieux. Alors évidemment, il n'a plus rien à voir avec le monde des morts. Il le contrôle et le manipule complètement à sa guise. À ce niveau cosmique, lorsque l'homme est son seul maître, il fait partie des instructeurs de l'humanité, c'est-à-dire qu'il instruit la partie involuée de l'homme. Il instruit le monde des morts, il instruit les plans célestes, il instruit les maîtres. Il instruit les forces astrales et il instruit les égos souffrants de l'homme ancien. Jamais il ne s'adressera à l'homme intelligent. Parce que l'homme intelligent se doit de devenir à son tour son seul maître. Alors l'homme nouveau ne s'adresse pas en tant qu'instructeur à l'homme transitif qui veut devenir son seul maître. Plus cosmiquement encore, évidemment, l'homme qui est son seul maître finit par comprendre la plénitude de l'évolution, disons, implosive de l'homme, alors automatiquement, il fait partie de ce que l'antique religion appelle le plan de Dieu, c'est-à-dire que comprenant la mécanicité évolutive de l'homme, il ne nuit plus à l'évolution de l'homme, donc il accomplit. Accomplissant, il ne fait plus la volonté de lui-même lorsqu'il est planétarisé ou terrestrifié, lorsqu'il était un homme normal. Il fait la volonté de l'intelligence. Dans les termes du Nazaréen, il ne fait plus sa volonté, il fait celle de son père ou celle des cieux. Ça, c'est être son seul maître. Il y a différents niveaux, différents états. On a vu l'état de l'homme, la séparation du collectivisme, l'être capable de supporter déjà sa propre intelligence, ses propres idées. Vous savez qu'avoir une idée et avoir une opinion, ce n'est pas pareil. Les opinions ne valent rien. Les opinions sont là pour être partagées. Ça collectivise l'humain. Ça altère les idées des autres et les vôtres. Discuter, amener une idée, amener l'autre idée, parler de l'idée, ça peut aller. Parler de son opinion, ça n'a rien à voir. L'opinion, c'est la consonance émotive d'une idée. L'altération faite par le plan émotif d'une idée. J'aime mon opinion. Alors, je vais me battre pour mes opinions. Mais jamais pour l'idée. L'idée, c'est intellectuel. L'idée, c'est cartésien, c'est massif. C'est soit intelligent, soit absurde. Mais ce n'est pas émotif. Alors, là, la première partie de devenir son seul maître, c'est déjà d'être capable de se supporter soi. Même si les autres ne peuvent pas nous supporter. Et qu'est-ce qui fait que je me suis endormi durant la conférence? Est-ce que mon subconscient enregistre pareil? Bon, la conférence de ce soir, elle était relativement énergisée. On peut le constater lorsqu'on finit la conférence et que la majorité des personnes ont de la difficulté à se lever. Ceux qui viennent pour la première fois ne peuvent pas comparer, évidemment, mais habituellement, ça se garoche pour aller chercher les chips. Alors, qu'est-ce qui fait que je me suis endormi durant la conférence? Simplement qu'au niveau de la dose d'énergie qui est transmise, ce qui est important de ce que je fais ou ce qui peut être utile par rapport à vous, ce n'est pas les paroles. Les paroles, qu'elles soient compréhensibles ou non, qu'elles soient complexes ou non, on s'habitue aux paroles après 2-3 conférences ou 4, ça va de soi. Ce n'est pas tellement les paroles plutôt que la façon dont on les prononce. On parle dans la religion du verbe, on parle de la parole et on parle de la voix. Alors, il y a de l'énergie qui est transmise et ce n'est pas nécessairement le mot. Le mot est ajusté par ce que moi j'appelle l'ajusteur de pensée, qui est un phénomène que tous allez connaître à un moment donné, qui est le ciment entre le Saint-Esprit, si on peut dire, et l'homme, donc l'homme mental, ou entre l'énergie supramentale et l'homme lui-même. Les paroles sont donc d'un vocabulaire quelque peu compliqué pour la simple raison que je ne peux pas me permettre d'annoncer des choses, de parler, de transmettre une énergie avec une parole non ajustée, une parole qui pourrait supporter l'interprétation facile de n'importe qui. Alors automatiquement, je dois avoir une terminologie relativement juste et cette terminologie, elle est amenée par l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire que lorsque je parle, les mots viennent facilement et lorsque le mot n'existe pas dans la langue française, je l'invente au feu immédiatement en même temps que je le prononce, ce qui fait que je peux parler relativement rapidement. Alors, on n'est pas ici pour essayer exclusivement de tout comprendre ce que je dis. Énergétiquement, il se passe des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent simplement pour être énergisées. Alors, c'est parfait. C'est d'ailleurs l'un des phénomènes intéressants des conférences. Lorsqu'une personne vient pour la première fois ou même pour quelques fois, mais souvent, ce sont les personnes qui viennent pour la première fois, énergétiquement, elles sont assaillies. Et il y a une mécanicité normale de l'ego qui va lentement faire en sorte l'énergie va les droguer, va les saouler. et ils vont s'endormir ou ils vont être relativement amorphes. Tout à l'heure, une personne me disait, sais-tu qu'il y a beaucoup de monde à soir qui sont tranquilles? Normalement, ça placote, ça jase, ça se promène. Bien, effectivement, les personnes sont tranquilles, donc surénergisées. L'énergie qui est transmise de l'énergie supplémentaire, ce n'est pas mon énergie, c'est de l'énergie. Alors, elle ne peut pas altérer votre conscience, elle ne peut pas altérer votre faculté de penser, elle ne peut que vous endormir. Vous endormant, preuve qu'elle n'altère pas votre faculté de penser, bien, plusieurs ne reviennent pas parce qu'ils dorment. C'est bien la preuve que ça altère pas votre faculté. Si ça serait un lavage de cerveau, le monde viendrait et on aurait depuis longtemps agrandi la salle ici ou on aurait déménagé ailleurs. Alors, il n'y a aucun problème au niveau énergétique. Le pire que ça peut faire, ça peut peut-être, à part vous endormir, bon, guérir des petits symptômes pathologiques absolument bénins et niaiseux, ça n'opère pas des miracles de guérison, mais s'il n'y a aucun danger, ça ne peut faire autrement que d'être neutre ou bénéfique. Et c'est normal qu'une personne qui vient pour la première fois ou deuxième fois dorme de temps en temps lorsque la conférence est relativement haute. Pourquoi 144 000 élus? Pourquoi ce nombre est-il prédéterminé? Est-il important de le savoir? Mais non, ça plaît à l'homme d'avoir des chiffres. L'homme a besoin de pouvoir se cerner l'infini. Alors l'infini, il appelle Dieu. L'infini, il a une barbe, il est blanc, il est ceci, il est cela. Prochainement, on parle aussi qu'il est peut-être femelle. 144 850 quelques élus, ce n'est pas important. D'ailleurs, ça n'a aucune importance, mais c'est plaisant de mettre des chiffres. Une chose certaine, c'est que par réincarnation pluralitaire, tous les humains vont être inclus dans les élus. Il n'y a pas un humain qui est oublié, mais ça prend le temps que ça prend. Mais on met des chiffres parce que c'est plaisant. C'est comme lorsque l'on dit que la Terre est créée en 7 jours. Mais la journée, elle est calculée à partir de la rotation même de la Terre. Alors, c'est déjà compliqué de parler de la création de la Terre en jours. Alors, évidemment, on parle de la création de la Terre à partir du point de vue de l'homme. Et là, on peut dire le jour. Le jour, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. Si la Terre a été créée le premier jour, ça complique les choses. Qu'est-ce que c'est le jour? Mais on met des chiffres parce que c'est plaisant. Ça, le jour n'existait pas, la Terre n'existait pas. Mais pas dans le sens de l'humain. Mais donc, on a parlé de la création de la Terre à partir de l'homme, la Terre étant déjà créée. Mais on met des chiffres parce que ça s'appelait. Le septième jour, c'est samedi. Alors, le jour du Seigneur, le septième jour est surposé, ben on le fête le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. N'importe quel calendrier est d'accord avec moi, le dimanche est le premier jour de la semaine. Et ça a toujours été comme ça, samedi est le septième jour. D'ailleurs, les Juifs, eux autres, ont le sabbat, c'est le samedi, c'est le septième jour. Tandis que nous, on continue que le dixième jour. Est-ce que ça froisse Dieu? Je ne crois pas. Parce qu'il y aurait eu beaucoup d'églises qui auraient passé au feu depuis le temps. Et ceux qui ne peuvent pas aller le dimanche ou le samedi, ben il y a une messe le vendredi soir. C'est pas la télévision. Quelle est la différence entre le bouddhisme, l'athéisme et être son seul maître? L'athéisme, c'est croire qu'on ne croit pas. C'est très important de voir la nuance. Les athées disent « je ne crois pas ». Mais ils ne sont pas sûrs. Ils croient ne pas croire. Parce qu'ils croient en eux. Ils croient en ceci, ils croient en cela, ils croient en moi, ils croient. L'athéiste communiste croit au parti. Alors, si on veut dire athéiste, ne pas croire en une divinité ou en un dieu, c'est quelque chose. L'athéiste conventionnel désigne celui qui croit que ça n'existe pas. Encore là, il y a une nuance. L'homme nouveau ne croit pas en Dieu. Il sait. Et il sait que ça existe, et ou il sait que ça n'existe pas, mais il sait. Et il ne dit pas ce qu'il sait. Parce que ça va créer de la croyance. Ou ça va raffermir la croyance. L'athée croit que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas pareil. L'homme nouveau ne croit pas, il sait. Le bouddhiste, présentement, Bouddha est devenu un dieu. Tandis que Bouddha lui-même ne parlait pas de Dieu. Il parlait évidemment d'une région, d'une forme créatrice, d'une énergie. Il n'a pas voulu la nommer plus qu'il faut. Et par la suite, on a nommé cette région ou cette énergie Bouddha. Bodhisattva. On a nommé plusieurs termes et on a fait différentes sectes. Le fait d'être son seul maître. Bouddha ne voulait pas être son seul maître. Bouddha voulait simplement faire ce que Lucifer a voulu faire. Simplement se libérer de la contrainte terrestre, cesser de venir expérimenter la planète, se libérer des mécanismes de réincarnation successifs, se libérer de la vie. L'homme nouveau ne veut pas se libérer de la vie. Il doit être son seul maître et c'est de son vivant que cela peut se faire. Si le Nazaréen aurait voulu se libérer de la vie, évidemment, il ne se serait pas incarné. Il y a une raison intelligente de l'incarnation de l'homme ou de la terrestrification de l'énergie intelligente de l'homme. Il y a une raison. On l'a vu souvent, on va le revoir encore. Mais Bouddha, lui, voulait bloquer le phénomène de la réincarnation. Un peu ce que les pharaons ont voulu faire en se faisant momifier. bloquer le phénomène de la réincarnation. Là n'est pas la solution. Tu te ramasses dans le samadhi, dans une partie extraordinaire du ciel, où tu foires à jamais. Ce n'est pas la mécanicité. L'homme vit parce qu'il y a une raison pourquoi il vit. Il n'est pas meilleur lorsqu'il est mort, l'homme. C'est de sa vie qu'il peut changer. Lorsqu'il meurt, il revient pour continuer. Bouddha n'avait pas saisi le phénomène. Bouddha savait très bien que l'homme, la naissance était souffrance, la vie était souffrance, la mort était souffrance, et aucune raison d'être. Alors ne venons plus au monde, ne mourons plus, finissons ça. Est-ce que Bouddha voulait faire? Être son seul maître, ça n'a rien à voir avec Bouddha. L'homme qui est son seul maître ne décide pas qu'il se tire une balle dans la tête. Ce n'est pas être son seul maître de décider de mourir. C'est l'attraction de la mort ou la fuite de la vie. J'appelle pas ça ton seul maître. Vous êtes vivant. Contentez-vous de vivre. Et lorsque l'homme devient son seul maître, c'est au niveau émotif pour commencer. Ne plus souffrir les émotions. Ne plus être manipulé continuellement par tout l'extérieur. Ne pas avoir peur. Être libre. Être libre de ce qui retient l'homme à l'échelle de la planète. Être libre de ce qui retient l'homme au monde des morts. Être libre. Être son seul maître n'a rien à voir avec l'athéisme. Celui qui croit que les choses n'existent pas. Ça n'a rien à voir avec le théiste, celui qui croit que les choses sont. Ça n'a rien à voir avec Bouddha, celui qui n'a pas compris l'intelligence de l'être-té planétaire, mais qui a voulu instruire une possibilité d'empêcher la réincarnation successive, donc de libérer l'homme de la vie. L'homme nouveau ne veut pas libérer l'homme de la vie. L'homme nouveau accomplit ce qu'il a à accomplir, et c'est fini là, il se regarde que lui. Et chacun qui, à un moment donné, va devenir des hommes nouveaux vont faire la même chose. Ils seront... ni théistes, ni athéistes. Ils ne croiront simplement pas. Ils vont savoir. C'est tout. Et être son seul maître, ce n'est pas être athéiste, ce n'est pas être théiste, ce n'est pas être bouddhiste. Ça n'a rien à voir. C'est être soi. Être soi, c'est tout. Mais pas être soi à partir de votre éducation. Pas être soi à partir de ce qu'on vous dit que vous devez être. Hey, c'est pas normal ce que tu fais là. Pas normal, hein? Ouais, il faudrait que... C'est pas être soi, ça. C'est vouloir être comme tout le monde. Être soi. Dernièrement, je vais au magasin, je vais acheter des souliers. Enfin, je cherche des souliers parce que je ne trouve pas. Et on me dit, « Ah oui, mais ce que vous demandez, là, c'est plus à la mode. » Je m'en fous! J'envoie des souliers où les orteils n'embarquent pas tout un par-dessus l'autre. Mode, pas mode! Mais là, il y a les Rilin Shu. Un peu plus habillés. Ben, ça n'existe pas. Alors, je m'en vais ailleurs, je fais plusieurs magasins, puis toutes les fois, le monde, les vendeurs, les vendeuses sont frustrés. Ils montent des souliers. C'est pas des souliers, ça. Vous vous mettez ça dans vos pieds. Mais c'est la toute dernière mode. Si vous mettez ça dans vos pieds, moi, je peux les mettre ailleurs. Sur les tablettes. Bon. Ah oui, mais il faudrait que... Oui, mais à un moment donné, d'abord, il va falloir que vous en fassiez faire des souliers comme ça. Ben, je m'en ferai faire. Qu'est-ce que je te dis de plus? Je ne mettrai pas des souliers où mes pieds m'ont commencé à tous s'embarquer un par-dessus les autres, ou etc., parce que c'est la mode. Parce que la collectivité est trop stupide pour bâtir des souliers intelligents. Avec la technologie et la science qu'on a, avec la science médicale des pieds qu'on a, avec tout ça. Alors, à un moment donné, je prends un truc qui mesure, puis je dis, c'est drôle ici, ils avaient A, B, C, D, E, F. Ah oui, oui, mais les enfants, c'est important, leurs pieds se développent. Ah oui, oui, les adultes peuvent fumer, peuvent se droguer, peuvent faire l'amour tous les jours, peuvent mettre des souliers trop petits, peuvent s'habiller bien serrés. Pas les enfants, un instant. Ben, je suis désolé, mais traitez-moi un enfant si vous voulez, mais j'aurai des souliers qui me font. Être son seul maître. J'ai pas traité personne d'imbécile. C'est pas la faute de la vendeuse, c'est collective. Elle est convaincue que elle est elle quand elle tripe avec tout le monde. C'est ça. Puis de mon point de vue à moi, elle est collective. Puis c'est son droit. Mais moi, je vais avoir des souliers où mes orteils seront pas collectifs. Parler de Dieu, ça me fait rire, car Dieu n'existe pas. Il existera seulement après la fusion des 144 000 élus. Il deviendra un conscient et intelligent. Pourquoi ce manque d'intelligence? Bon, regardons juste la personne qui, évidemment, fonctionne à partir de, non pas d'un savoir instantané, mais disons, si elle croit être reliée, elle est reliée à un phénomène astralisé de l'énergie supramentale. Elle n'a pas un ajusteur de pensée lorsqu'elle pose sa question. Pourquoi ce manque d'inintelligence? Donc, pourquoi tant d'intelligence? C'est bon. Ah oui. Si c'est un manque d'inintelligence, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence. Donc, il n'y a pas d'ajusteur de pensée, parce que la question, c'est pourquoi ce manque d'intelligence? Ce manque, pourquoi cette inintelligence? N'ayant pas d'ajusteur de pensée, pourquoi ce manque d'inintelligence? Ce qui trahit évidemment la forme évolutive de la personne. C'est extrêmement bien. Mais à prendre conscience au niveau de l'ego qu'il n'y a pas d'ajusteur de pensée dans ce genre de questions. Parler de Dieu, ça me fait rire. Bon, évidemment, une personne fait rire, faut s'entendre. Parce que, j'ai pas entendu rire. Bon. Et si elle rit lorsque l'on parle de Dieu, c'est qu'elle est manipulable. Tu veux la faire rire, parle de Dieu, va rire. Car Dieu n'existe pas. Je ne peux pas être contre ce qu'elle dit, parce qu'évidemment, du point de vue de certains, qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est pour ça que moi, je le redéfinis quand j'en parle, parce que je prends ce mot-là parce que ça plaît un peu, ça permet d'établir des contacts. Mais Dieu, il n'existe pas. Il faut évidemment savoir ce qu'on entend par Dieu. Parce qu'évidemment, Dieu, le Dieu de vengeance, si cela a existé, il n'existe plus. Et on peut en parler de Dieu et d'aider Dieu. Donc, Dieu n'existe pas, dépendant de quel concept ou quelle image on a de Dieu. Bon, et sachez une chose, quelle que soit l'image qu'on a de Dieu, ça existe. Sinon, on n'aurait pas l'image de ce Dieu. Est-ce qu'il est aussi puissant qu'on veut le laisser être? Autre chose. Mais il existe. Il existe dans un égrégore, il existe dans ta pensée, mais il existe quelque part. Et ta pensée, c'est un endroit, c'est un lieu. Ce Dieu existe. Mais est-ce qu'il est? Ce Dieu existera. Donc, le concept qu'est l'heure de ce Dieu, c'est-à-dire l'intelligence pure. Donc, pas un concept. La personne ici, elle visualise autre chose. L'intelligence pure fusionnée des esprits, enfin l'esprit non coloré sur le plan planétaire, existera seulement lors de la fusion des 144 000 élus et deviendra un conscient et intelligent. Ça va de soi. Si on parle d'un autre palier de divinité, ça va de soi. Elle a raison. Sauf qu'elle a appris ces choses. Pourquoi ce manque d'intelligence? Alors, c'est le problème. Je m'adresse donc un peu plus particulièrement à cette personne. Elle définit quelque chose. Elle affirme. Parler de Dieu, ça me fait rire. Bon, car Dieu n'existe pas et il existera seulement après la fusion des 144 000 élus et deviendra un conscient et intelligent. Si elle peut affirmer cela, comment peut-elle oser poser une question? Pourquoi ce manque d'intelligence? Parce que si elle affirme, c'est qu'elle sait. Si elle sait, elle sait pourquoi c'est intelligent que présentement ce ne soit pas ainsi. Si elle ne sait pas, si elle ne voit pas, si elle n'a pas la conscience de l'intelligence qui actuellement mobilise l'évolution de l'homme, elle ne peut pas savoir ce qu'elle a écrit. Donc, elle l'a appris et elle y croit. Et c'est extrêmement dangereux de se prendre au sérieux dans ce genre de phénomène. On peut conceptualiser des choses, spéculer sur des choses. Moi, ce que je dis, je parle. Vous allez constater. Maintenant, ce que je dis peut devenir des concepts pour vous, des spéculations, des théories. Et c'est très bon. Parce que ça permet à l'homme de pouvoir grimper d'un palier à l'autre, même si ce que je dis est faux. Ça ne change rien. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça ne change rien. L'important, c'est que l'homme finisse par accomplir lui-même la vision de ce qu'il doit voir. Et non pas toujours se braquer les yeux dans la chambre de l'autre. On veut tous voir la même chose. Et c'est ce que, si moi je vois quelque chose, faut que je le dise à tout le monde. Faut que tout le monde vienne voir avec moi. C'est le convertisse. Parce que je suis pas capable de savoir si j'ai bien vu. Mais si on est 8 millions à le voir, m'a dit écrime, j'ai vu. Mais si je suis seul à voir, personne ne me croit, m'a dit peut-être je vois pas. Alors donc, il faut faire attention avec ce que l'on apprend et ce qu'on n'apprend pas. Quand on parle de Dieu, ça ne doit pas faire rire. C'est mauditement important. Demandez à tous ceux qui sont morts pour Dieu. Et à ceux qui se battent encore au nom de Dieu. Parce qu'on a encore une religion, une politique religieuse. C'est là que je vous disais que ça devient dangereux. Où celui ou l'homme, pour aller au paradis, il y a un chemin pour aller au paradis. Tu dois mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Et c'est l'islam. Alors vous trouvez ça drôle de parler de Dieu? C'est pas drôle. On a des dieux qui veulent aider l'homme. On a des dieux qui les désalcoolisent, qui les sevrent en drogue. On a des dieux qui font des choses extraordinaires. Ah, évidemment, il y a des problèmes au niveau de certaines divinités, mais ça, c'est des choses. Mais ce n'est pas drôle de toute façon. La personne qui croit en Dieu, parce que de mon point de vue à moi, ou du point de vue cosmique, le Dieu qu'elle aborde n'est pas ce qu'elle pense que c'est. Ça me ferait rire. Mais absolument pas. Elle a la vision de quelque chose, et si cette vision, elle est capable de la supporter seule, oh ben chapeau, quelle que soit la vision qu'elle supporte. Je ne me fais pas rire du tout. Elle est capable d'avoir un Dieu, de le supporter, de l'adorer, de le croire. Elle est capable de venir me parler de ce Dieu. Elle est capable de m'affronter. Moi, je ne sais pas de la convertir. Selon ce qu'elle est, c'est tout. Si elle veut avoir des questions, je réponds pour elle. Je n'ai pas à la convertir, ça ne change rien. Et elle est capable seule de se faire dire par tous qu'elle est idiote de croire à ce Dieu-là. Et elle est capable de le supporter, ce Dieu. Supporter un Dieu, cela veut dire que tu supportes tous ceux autour de toi qui veulent te démolir. Alors, si tu peux supporter ton Dieu à travers le peuple, t'es fort en maudit. Moi, ça me fait rire. Non, absolument pas. Moi, je lève mon chapeau, même si je porte jamais de chapeau. Oui, je salue. Personne n'est génial. Alors, il faut faire extrêmement attention à ajuster les mots à certaines choses. On apprend des choses, ça peut être vrai, ça peut être faux. Une chose certaine, tout ce qui est appris et qui est vrai n'est jamais authentique si ce n'est pas vibratoire chez soi. Et quand c'est vibratoire chez soi, on a toutes les réponses qui vont avec la chose. Je vais vous donner un exemple. Comprenez-vous qu'il ne faut pas battre à mort un enfant avec une barre à clous ou avec n'importe quel outil. Qu'il ne faut pas asseoir un enfant sur un rond de poêle rouge pour qu'il apprenne à avoir 100% à l'école. Vous comprenez ça? Alors, si on vous demande pourquoi, allez-vous être capable de donner des raisons? Si on vous demande pourquoi, moi, je veux le faire, dis-moi pourquoi. Et vous allez être capable de donner des raisons. Hein? Parce que ça, c'est vibratoire chez vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un cours de 25 000 heures englobant toutes les pourquoi on ne doit pas tuer un enfant. Pas nécessaire d'avoir un cours. Si on vous pose la question, vous allez savoir. C'est pas nécessaire de lire. Dans votre conscience, vous allez savoir. C'est pas nécessaire d'être imbu de Bible ou de quoi que ce soit, vous allez le savoir. Ça vibre chez vous. Lorsqu'une personne sait quelque chose, elle ne pose pas de questions. Elle sait toutes les réponses qui vont avec ce qu'elle sait. Là, elle le vibre. Si je dis à quelqu'un, tu compris, oui. Alors, pourquoi telle chose? Oh, ben là, elle n'a pas compris. Elle a appris. Et comme elle n'a pas tout appris, elle ne peut pas répondre à toutes les questions. Si elle a compris, elle va répondre à toutes les questions. Lorsqu'un enfant a compris, demandez à un enfant, as-tu compris pourquoi il faudrait que la maison soit en ordre? Oh oui, j'ai compris. Pourquoi? Ben, parce que papa, tu me donnes des fessées, parce que ça te rend malheureuse, parce que... Alors, si je lui demande, est-ce qu'il y a une intelligence d'avoir la maison en ordre? Non, je vois pas. Il a pas compris, il a appris. S'il a compris, posez-y les questions sur n'importe quoi, puis même vous-même mettez du bordel, puis il va être capable de vous expliquer. Il a compris. Lorsqu'on a compris des choses, on pose pas de questions, on l'a compris. Alors, si vous posez des questions, c'est que vous voulez comprendre, c'est que vous avez appris. Mais ne venez pas dire que ça vous fait rire lorsque quelqu'un parle de Dieu. Est-ce que les anges et les archanges sont les intermédiaires de Dieu et dirigent-ils la création cosmique et planétaire? Peuvent-ils instruire les hommes? Bon, les anges font partie de tout. Les anges sont des porteurs d'archétypes. Les anges, il n'y a presque plus d'anges aujourd'hui. Les anges ont été assimilés par l'homme. Les anges à l'origine, les anges à l'époque, les anges que l'on parle dans la Bible, étaient des porteurs d'archétypes, c'est-à-dire que c'était les messagers des dieux. L'archange étant plutôt un gestionnaire d'archétypes. L'archétype, c'est l'instruction massive, majeure que l'on a donnée à l'humanité lors de la création de l'humanité, c'est-à-dire que lorsque l'homme, esprit, a été terrestrifié, il a dû traverser le ciel. Il venait des cieux. Traversant le ciel, le monde des morts, il a automatiquement été obligé d'abandonner tout son savoir pour devenir humain. Ce savoir à l'extérieur du ciel laisse un ombre dans le ciel. Cette ombre dans le ciel est l'archétype, l'image de ce que pourrait être l'homme, de ce que a été l'homme ou de ce que va être l'homme. L'image de ce que peut être Dieu, l'image de ce que peut être le paradis, l'image de ce que peut être l'infini, l'image de tout ce que vous voyez, mais que percevez, mais que vous ne voyez pas clairement. C'est l'archétype. Cet archétype doit être donné à l'homme, c'est-à-dire que l'homme, arrivant sur la planète avec un peu un brin de conscience, ne sait plus. Pour pas qu'il vire fou puis qu'il se suicide, parce que si l'homme passe son temps à se tuer, parce que l'homme n'est pas un animal. Même si l'homme a habité, m'a donné un corps d'animal, l'homme n'est pas un animal. Il a un corps biologique animal, mais l'homme n'est pas un animal. Loin de là. Il n'y a rien à voir avec l'évolution de Darwin. Il y a une évolution améliorative, pas une évolution adaptative. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque l'homme est là, il ne peut pas, il ne sait pas qu'il y a des archétypes, il ne connaît pas la mort, évidemment, il ne connaît pas le monde des morts. Il se croit immortel parce qu'il a encore en trace chez lui qu'il est immortel. Mais il va apprendre rapidement à mourir. Parce que mourant, il peut donc laisser la place à d'autres et il peut revenir sur le plan planétaire. Tandis que si l'homme ne meurt pas, il reste avec toute sa tradition, ses archétypes. Si on a un tyran sur la planète qui meurt jamais, ben évidemment, on est poigné sur le reste de nos jours. Il faut qu'il parte à un moment donné. Et si on a un gars bon qui veut tout manipuler la Terre pour créer la paix, ben personne n'aura compris sauf lui. Il faut qu'il meure lui avec pour que les autres comprennent. Ils vont revenir plus tard. Que ce soit en résurrection des morts, que ce soit en réincarnation, ça n'a pas d'importance, mais ils reviennent. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ange lui-même à cette époque était le faisceau énergétique, la consonance, le dernier vestige canal qui permettait à l'archétype de se communiquer, d'entrer en contact avec l'homme sur le plan planétaire. Et l'ange était donc le messager des dieux, les dieux du ciel, pardon, pas les dieux des cieux. D'ailleurs, les cieux n'existaient pas. Enfin, on a plus la connotation des cieux, c'est le Nazaréen qui les a ramenés avec l'ouverture du ciel. Alors, l'ange était donc un messager qui amenait à l'homme certaines visions, qui instruisait l'homme de ce qui devait être bâti pour pouvoir permettre une tradition religieuse planétaire, c'est-à-dire que l'ange a été la structure de communication permettant la gestion et la création des religions planétaires, religions que nous avons encore aujourd'hui, et maintenant on n'a plus besoin d'anges, parce que la tradition est maintenant à gérer les anges, et le faire fils d'ange. L'archange, par contre, l'archange, lui, est une partie intrinsèque de l'archétype. C'est-à-dire que l'archange a la connaissance réelle de ce que l'homme était avant la terrestrification de l'homme, avant que l'homme vienne humain dans un corps de chair. L'archétype, l'archange, donc le vieil ange, l'archange, l'ange supérieur, on pourrait aussi dire, mais comme tel, étymologiquement, c'est plus vieux que l'ange, créé avant l'ange, et c'est normal. Lorsque l'être à partir de l'intelligence supramentale, donc de l'intelligence du premier palier des cieux. Cela veut dire que l'ange n'a pas d'intelligence, l'ange est un subordonné, l'ange obéit. Il obéit à qui? À l'archange. L'archange traduit les messages de la création ou du créateur, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça du Dieu le créateur, mais non pas le Dieu, disons, dans le ciel, mais la consonance réelle vibratoire de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre en même temps, ça va de soi. Dieu n'a pas créé le ciel dans lequel il vivait, Dieu a créé le ciel et la terre. L'homme a placé des dieux dans le ciel après. Et le Nazaréen a ouvert les portes du ciel, permettant à l'homme de sortir du ciel maintenant et pénétrer les cieux. Bon, ça, on ne le dit pas comme ça dans la Bible, enfin, c'est pas ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'archange lui-même est ce qui va maintenant être le messager entre le médium, entre les énergies plus ou moins supérieures. On les appelle énergie divine. Dieu est au-delà de cela encore un peu. Il y a des Melchisedec, enfin, il y a plusieurs nuances de, disons, de phénomènes énergétiques entre ça. Et l'archange donne des ordres aux anges qui lui viennent communiquer avec l'homme. Les chérubins sont l'interpréteur actionnel de l'homme, c'est-à-dire que le chérubin est un phénomène d'énergie vitale qui permet à l'homme de pouvoir penser, et le chérubin est là pour interpréter la pensée de l'homme et la transmettre en action physique, donc en mobilité. Parce que la pensée de l'homme n'a aucun pouvoir sur le corps. Celui qui veut se guérir d'une verrue par la pensée ne guérit rien. Au pire, il y en a d'autres qui apparaissent. Celui qui veut bouger son bras en pensant, ça marche pas. Faut qu'il lève le bras. Et ça, c'est le chérubin, donc les forces chérubiniques qui font ce genre de travail. On en parle aussi un peu au niveau de la tradition. Alors, tels sont le travail des anges et des archanges. Les archanges existent toujours, les anges de moins en moins. C'est plus utile, donc ils sont plus là. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'Église, notre Saint-Père le Pape, est un grand maître, ou simplement un maître, ou cela n'a rien à faire avec un maître? C'est intéressant, parce que Jean-Paul... est un bonhomme... qui peut être rien d'un maître, qui peut en même temps être un maître et qui peut être un très grand maître. Vibratoirement, je l'ai vu à Montréal, je l'ai vu de temps en temps à la télévision et je sais que vibratoirement, Jean-Paul II n'est pas un maître, n'est pas un grand maître, n'est pas un très grand maître. Il est au-delà de cette phénoménologie. Il n'a pas de mission. Il accomplit une fonction. Il accomplit. C'est sans doute le plus grand pape que la chrétienté a eu. Rusé parce qu'intelligent. Il n'est pas rusé émotivement, il n'est pas rusé astralement, il n'est pas rusé, il jouit pas de sa ruse. Il est au-delà de l'intelligence et il accomplit une fonction que sans doute moi, présentement, je ne pourrais pas accomplir. Là, je ne pourrais pas l'accomplir, pas pour l'instant. Je ne pourrais pas le supporter. Je crierais mauditement plus que lui. Alors, chacun son rôle. Remarquons que je suis un peu plus jeune que lui, et physiquement et autrement. Alors, Jean-Paul II est une personne qui n'est pas honorable pour la simple raison que l'homme ne saurait pas l'honorer à sa juste valeur. Alors, disons que c'est un homme. Un être humain qui accomplit une fonction qui n'est pas compris par tous, qui est compris par la minorité, et la minorité qui comprend son rôle, ne font pas partie officielle de la chrétienté. Jean-Paul II... et ce que la planète a porté de mieux depuis belle lurette. Alors, est-ce que c'est un maître? Non, absolument pas. Jean-Paul II ne veut pas être un maître. Il a accepté une fonction que l'électorat, manipulé par les forces intelligentes, lui ont donnée. Un pape qui n'est pas italien, etc., etc., etc. Et il accomplit cette fonction d'une façon hyper magistrale. au-delà de ce que l'humain peut voir. Et il accomplit tellement bien que l'humain ne voit pas ce qu'il fait. Et pour ceux qui pensent que Jean-Paul II a pour fonction de détruire l'Église catholique, parce que d'un jour ça l'a été dit, pour ceux qui pensent que ça peut être ça, ce n'est pas là le rôle de Jean-Paul II. C'est important. Est-ce qu'il est là pour la restructurer? Ce n'est pas là non plus le rôle de Jean-Paul II. C'est un rôle qui est planétaire, qui est humain, qui dépasse de beaucoup les cadres de la religion catholique romaine. C'est pourquoi c'est un pape voyageur. Une question qui s'adresse à toi directement. Es-tu né comme tout le monde? Oui, je suis né à l'âge de 9 mois. Et je suis né comme tout le monde. Quelles sont les intentions du solarisme? N'avez-vous pas les mêmes buts de fond, c'est-à-dire éveiller la conscience de l'homme? Non, moi je ne suis pas là pour éveiller la conscience de l'homme, absolument pas. Je suis là simplement pour ajuster l'éveil qui se fait chez l'homme. Que nous parlions de phénomènes solaires, de phénomènes lunaires, que nous parlions de différentes choses, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Moi, je suis simplement là, je vais vous donner la raison. Je l'ai déjà donné de toute façon, c'est pas nouveau. Première raison pourquoi je suis là, c'est pour moi. Bon, c'est intéressant, la même raison que vous. Vous êtes là pour vous. Bon, première chose. Et deuxièmement, je suis là pour moi. Et troisièmement, je suis là pour moi. Du point de vue de l'homme, je suis là pour moi parce qu'en tant qu'humain, je me dois d'évoluer de la façon la plus convenable possible, c'est-à-dire que je dois m'arranger pour devenir mon seul maître, de façon à pouvoir savoir de par moi-même ce que je dois faire, pour ne pas subir le karma collectif et toujours pouvoir dire « Ah ben c'est la faute des autres ». Je fais donc le travail pour moi-même. Deuxièmement, du point de vue de la conscience collective ou du point de vue de l'instruction de la collectivité, c'est-à-dire que du point de vue de ma libération face à l'astral collectif, donc ma libération face au plan du monde des morts, je ne peux pas entraîner avec moi l'humanité. Je dois, moi, m'auto-énergiser, m'assumer moi-même et rentrer en contact avec moi-même. Mais pas moi-même tel qu'on me l'a enseigné, moi-même tel que je vais le vibrer. Je le fais donc encore pour moi. Pourquoi je fais des conférences? Parce qu'on me pose des questions, me posant des questions... Ça m'oblige, moi, à aller fouiller dans des régions de l'Esprit-Saint ou du plan supramental, régions qui ne m'attirent pas pour l'instant et régions que je ne peux attirer autrement que si j'ai une question. Ce qui fait que, quelle que soit la question que l'on va me poser, je peux répondre. Et j'adore les questions compliquées pour la simple raison que ça me pousse à fouiller des places compliquées. Fin 86, je n'ai plus besoin de faire de conférences. En 87, je m'assume au niveau des questions. Je peux donc planer au niveau supramental à ma guise, en vertical ou en horizontal, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de faire de conférences. Je vais sans doute continuer à faire des conférences pour une troisième raison qui me regarde encore moi. J'ai besoin de la planète pour faire ce que j'ai à faire, évoluer, moi. J'ai besoin d'un cadre particulier d'évolution et j'ai besoin de la vie. Pas la vie telle que vous la connaissez, je ne parle pas nécessairement de la vie du corps, je parle de la vie, l'instantanéité. Alors automatiquement, le cadre actuel dans lequel nous évoluons, il est parfait pour me créer et pour vous forcer à naître à un moment donné. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont arriver et le cadre sera à être transformé. Certains diront à refaire, chacun ses goûts. Et moi, je dois donc faire un certain travail pour pouvoir faciliter les choses plus tard. De cette façon-là, j'aurai encore un cadre qui me plaira. Bref, je suis ici pour moi. Le Nazaréen était sur le plan planétaire pour lui. Et il y a une condition sine qua non au travail pour soi, c'est qu'on est des humains, on travaille d'une façon espritisée, c'est-à-dire qu'au-delà du monde des morts, on n'est pas pluralisé, on est un. Si je veux travailler pour moi, automatiquement, il y aura une correspondance pour les autres. Sauf que l'homme nouveau, celui qui a une conscience, même chose pour le Nazaréen n'allait pas convertir. Il parlait, dans le début, il démontrait par la suite, et c'est tout. Celui qui ne voulait pas suivre ne suivait pas. Par la suite, on a inventé la conversion. Moi, je ne veux pas convertir non plus. Et on n'invente pas la conversion après moi, lorsque les humanités changent. Alors, je suis là pour moi, je suis là pour moi, je suis là pour moi. Est-ce que je suis extrêmement hypocrite et égoïste? Absolument pas, parce que je sais ce que je fais. Je ne suis pas manipulé. Et je sais qu'automatiquement, le faisant, comme par exemple, je donne un exemple, ce soir, on fait des conférences. C'est bon pour moi, parce que j'apprends des choses, ils me poussent. Et c'est bon pour vous. On n'a pas le choix. Alors automatiquement, le faisant pour moi, je le fais pour tout le monde. Mais le faisant pour tout le monde, souvent on s'oublie soi. Alors je commence d'une façon intelligente. Je me pose souvent des questions sur l'écancar, la science du juste milieu. L'écancar est la science du voyage de l'âme. Le bouddhisme est la voie du juste milieu. Évidemment, l'écancar est allé ramasser plusieurs phénomènes au niveau des religions bouddhistes, etc. Alors, si vous vous posez souvent des questions sur l'écancar, la science du juste milieu, je vous félicite, lâchez pas. À un moment donné, vous allez savoir ce que vous devez savoir, si c'est votre voie ou si ce ne l'est pas. Est-ce que Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit, c'est l'ajusteur de pensée? Oh non. Ou c'est plutôt lorsque l'on est son propre maître que l'on peut entrer en contact avec l'ajusteur de pensée ou l'être supramental? Bon. Est-ce que Dieu ou le Saint-Esprit, c'est l'ajusteur de pensée? Non. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanicité qui permet à l'être humain normal, à l'être humain terrestrifié, à celui qui n'a pas la conscience, lorsqu'il est capable de ne plus penser pour avoir une réponse, mais lorsqu'il est capable de parler pour s'écouter après, automatiquement, il entre en contact avec un autre plan qui s'appelle le plan de l'esprit. Et la partie la plus basse de ce plan de l'esprit est l'esprit saint, l'esprit pur, non coloré parce que l'homme voulait. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que c'est que l'esprit saint? Qu'est-ce que Dieu? Ah, oh, Dieu, c'est amour. Ouais, c'est ce que tu voulais qu'il soit, hein? C'est ça que tu réponds. Si c'est l'Esprit Saint qui répond, il n'est pas tributaire du plan émotif. Qu'est-ce que Dieu? Ce n'est pas vous qui allez répondre. Il y aura une réponse qui va être donnée. Dans l'Antiquité, on disait c'est Dieu qui parle par la bouche de l'homme. Peut-être. Ça nous dérange pas qu'on mette les mots que l'on veut. Alors, l'Esprit Saint, ce n'est pas l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée n'a que comme fonction de mettre le bon mot à la bonne place quand l'énergie passe. L'ajusteur de pensée, c'est le phénomène presque archangélique qui permet à l'humain de pouvoir néotyper ses archétypes, c'est-à-dire de rendre neuf les choses vieilles, les rendre vivantes. L'ajusteur de pensée. Est-ce que lorsque on devient son propre maître, que l'on entre en contact avec l'ajusteur de pensée, tout se fait en même temps? Lorsque vous devenez votre propre maître, c'est qu'automatiquement vous entrez en contact avec votre ajusteur de pensée. À un moment donné, vous allez fusionner l'ajusteur de pensée, donc vous n'aurez plus d'ajusteur de pensée. Moi, je n'ai pas d'ajusteur de pensée maintenant. Tout à l'heure, je donnais l'exemple, mais qu'on comprenne. Je n'ai pas d'ajusteur de pensée, je m'ajuste moi-même parce que l'ajusteur, je l'ai bouffé. Bon. À un moment donné, l'être humain entre en contact avec un esprit, lentement, il reconnaît son esprit, et lentement, il bouffe l'esprit, c'est-à-dire où l'esprit bouffe l'humain. C'est peut-être plus comme ça que ça se passe. Alors, je ne peux pas dire, oui, je parle avec mon esprit, moi. Non, absolument pas. Je suis l'esprit qui parle. Bon. Je ne peux pas dire, j'ai des contacts. Non, je ne m'en peux. Alors, lorsque l'enfant parle avec l'adulte chez lui, lentement, il devient l'adulte. Et voilà, c'est fini là. L'adulte a bouffé l'enfant, puis l'adulte parle. Ben, c'est la même chose. Alors, lentement, vous ne vous en rendez pas compte, et puis vous devenez de plus en plus ce que vous devez être. Comment expliquer que deux individus étant connectés à la source du savoir instantané véhiculent des informations différentes, par exemple sur le karma, sur le phénomène de la réincarnation, pour ne citer deux exemples? Bon, vous me posez la question, vous la poserez à lui. Deux individus étant connectés au savoir instantané. Premièrement, il y a ceci à comprendre pour celui qui pose la question. C'est que l'intelligence, lorsque l'esprit arrive dans le plan de notre univers, il se pluralise parce que l'univers n'est pas capable de supporter Dieu. Lorsque les pluralisations rentrent dans le système solaire, il se pluralise encore, il se redivise encore en milliers de fois parce que le système solaire ne peut pas supporter Dieu. Et lorsque ces divisions rentrent dans le système de notre planète, dans le système terrestre, ils se millionnisent parce que la Terre ne peut pas supporter Dieu. Alors, ça crée des millions d'humains. Ça crée des milliards d'humains. Lorsque l'humain arrive à entrer en contact avec son point source, la première division de l'esprit au niveau de notre galaxie, et non pas du système solaire, alors automatiquement, dans la galaxie, on a une pluralisation du même faisceau énergétique de Dieu, si vous voulez, qui se divise. Alors, moi, je suis connecté à l'un des faisceaux, tandis que lui est connecté à un autre faisceau. On n'a pas la même provenance. Ce qui explique déjà le fait que nous ne pouvons pas parler du même point de vue tout en parlant avec la même énergie. Et autre chose, on parle d'une façon non collective et la fonction orale que nous avons, ou que j'ai moi, du moins, pour ne parler que de moi, vous poserez la question à l'autre, la fonction orale, elle n'est que de susciter chez l'homme des chocs. La fonction, elle n'est que de brasser l'ego, elle n'est que de transformer la tradition, elle n'est que de néotyper l'homme. Alors, si moi je dis vous ne devez pas me croire et que l'autre dit vous ne devez pas me croire, ben c'est la preuve. Croyez-nous pas. Mais si nous disons la même chose, férus comme vous êtes de croyance, ben vous allez nous croire. En maudit. Alors, la seule façon qu'on puisse se débarquer du monde sur le dos, c'est qu'on doit s'organiser pour parler de façon similaire au niveau énergétique, mais différente au niveau de la parole, des mêmes sujets. De cette façon-là, l'homme hésite entre un et l'autre. C'est parfait, c'est ce qu'on veut, il n'y croira pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la signification et la fonction du plan cosmique dont souvent ce mot revient dans vos conférences? Bon. La Terre, elle est ici. Le ciel, c'est ce qui est autour. Tu bois pas d'eau, toi? C'est parfait. Moi, j'en bois de l'eau. Regardez bien ceci. Ça, c'est la Terre telle qu'elle est. Point de vue, quand je parle du point de vue de l'homme, je parle de l'homme qui regarde son nez, qui regarde son bras, puis qui dit « Crime, on est fait pour avoir 5 doigts! » Ouais, bon, on a fini d'avoir 25, puis t'aurais dit « Hey, on est fait pour avoir 25. » Bon, au point de vue de l'homme, il sait pas. Ça, c'est la Terre, elle est placée dans le ciel. Lorsque je parle du point de vue céleste, je parle d'un observateur qui aurait la faculté de voir au complet le ciel, et là, il peut parler de la Terre. Il peut parler des dieux. Parce que je parle du point de vue cosmique. Tu tiens ça? Alors, je me place ici et j'observe la Terre, j'observe le ciel, j'observe ces choses-là. Quand je parle du point de vue cosmique, je parle donc du point de vue qui englobe toute notre galaxie au complet. Donc, je peux parler du point de vue cosmique, de la mécanicité qui a créé cette chose, qui a créé l'intérieur de la Terre et qui a créé l'homme dedans. Et en regardant cosmiquement, ben là, on comprend pourquoi c'est créé, pourquoi ça marche. Est-ce qu'on se dit, Dieu n'existe pas? Ben non, il y en a un là, il y en a un là. Il y en a ici, il y en a là. Et ce que l'humain entend par Dieu essaye de définir ce qui se passe ici, on ne rit pas. Alors, est-ce qu'on dit ceci, est-ce qu'on dit cela? On pose des questions sur le plan planétaire. On peut l'expliquer du point de vue de l'homme et on peut l'expliquer du point de vue cosmique. Lorsque je parle de ceci, je sens dans les égos de certains, tiens, c'est drôle, il se prend pour quelqu'un. Ben oui, ben évidemment, on peut dire ça de n'importe quoi. La seule chose que tu me passes la planète. Merci. Oui, bon... Revenons à Terre. Des choses qui arrivent comme ça, là. Bon, alors qu'est-ce qui arrive? C'est que se prendre pour quelqu'un d'autre, non. À un moment donné, on est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un d'autre. On est autre chose que ce que l'homme veut que vous soyez. Bon. Est-ce que Jean-Paul II se prend pour quelqu'un d'autre? Mais quand il était en Pologne, puis qu'il aurait dit, moi, je vais être le prochain pape. Voyons non, hein? Il est le pape. Voilà. Alors, tout le monde aurait été d'accord pour dire qu'il se prenait pour quelqu'un d'autre, sauf que maintenant, on va dire, ben non, là, il est quelqu'un d'autre. Hein? Il est lui, simplement. Alors, on n'est pas quelqu'un d'autre. La jalousie de l'homme, elle est normale, elle est compréhensible. Je l'accepte, je la bois. Je peux constater. Et c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le point de vue cosmique? Ben, c'est le point de vue qui permet à l'homme, lorsqu'il a un point de vue cosmique, et ça, tous, vous allez finir par avoir un point de vue cosmique, pour la simple raison que l'énergie supramentale, lorsqu'on est relié à son esprit, ben, l'esprit n'est pas contenu dans le petit récipient ici qui s'appelle le ciel, l'esprit n'est pas contenu dans la planète Terre, l'esprit n'est pas contenu dans l'homme, l'esprit englobe tout ça au complet. On est d'accord pour dire que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais on n'est pas d'accord pour dire que l'homme qui aurait un contact avec une force dans ce genre serait lui aussi comme ça. Moi, je ne suis pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Je vais un jour devenir ce que j'aurai à devenir. Pour l'instant, je suis ce que je suis. Et le point de vue cosmique est pour moi une chose facile à voir. C'est pourquoi on peut poser des questions et je peux répondre. Et si dans 3 semaines, je réponds différemment, c'est que je regarde d'ailleurs, c'est tout. Mais faites-moi confiance, ça ne se contredit jamais. J'ai au-dessus de 130 conférences. Écoutez toutes les cassettes, sortez les contradictions, vous n'en trouverez pas une. Et jamais je ne prépare les conférences, je ne fais que parler. Lorsque l'on perçoit les choses telles qu'elles sont, ça ne se contredit jamais. Jamais. Vous parlez souvent d'échange d'énergie. C'est quoi l'énergie? L'énergie est un terme assez fantastique qui détermine une mécanicité qui n'est pas comprise par l'homme, mais qui en même temps peut être expérimentée par l'homme. Alors, si je donne une claque en plein visage à quelqu'un, l'énergie, c'est ça. Il va sentir les résultats de la trace de l'énergie. Il ne comprendra pas pourquoi. Il va dire, ouais, mais j'ai eu un coup. Oui, il peut percevoir la chose. La lumière, c'est de l'énergie. Non seulement la lumière a une puissance photonique, c'est-à-dire qu'elle est capable, elle pousse les murs. Hein, n'est-ce pas? Les murs ne bougent pas, ça va de soi. Faites une expérience intéressante. Vous prenez un petit miroir plat, vous le placez sur une table et s'il arrive à tenir, vous prenez une lampe de poche, puis vous allumez, vous éteignez, vous allumez, vous éteignez, le miroir va commencer à osciller, puis va finir par tomber. Les photons rebondissant sur le miroir le font bouger. C'est de l'énergie, mais d'une subtilité telle qu'elle n'est pas apparente. Elle n'est apparente que si elle est réfléchie. Parce que la lumière, on ne la voit pas dans l'air. Il faut qu'on ait quelque chose pour la voir. C'est de l'énergie. Lorsque je parle l'argent, l'argent c'est l'énergie. Pourquoi? Parce que l'argent cumule. Dans 500 $, vous avez pour 500 $ de votre vie. Oui, parce que ça vous a pris du temps de votre vie, du travail, de l'énergie biologique, de la digestion, des calories, pour arriver à transformer tout ça en possibilité potentielle de d'autres choses. Alors, vous avez su, en inventant l'argent, d'ailleurs, l'homme a su, transposer l'énergie temporelle, l'énergie de vie, l'énergie matérielle dans une chose qui pouvait être transposée comme on voulait. C'est déjà le premier contrôle de l'énergie. L'argent, ce n'est pas le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est que l'homme a inventé un phénomène extraordinaire et son ego veut tout posséder. Son ego ne comprend rien. Bon. C'est ça le problème. Pas l'argent, le problème, c'est l'homme. De l'argent dans un coffre, j'ai déjà vu, moi, dans les banques. On peut même vérifier, demander au banquier. Est-ce que l'argent américain avec l'argent canadien dans la même banque, est-ce que ça se bat ensemble? Non. Jamais. Les 1 $ se sentent pas inférieures aux 1 000 $. Tout est bien. Aucun problème. L'argent, c'est pas le problème. C'est l'homme, le problème. Lorsque je parle d'énergie, on parle de d'autres formes d'énergie. C'est quoi la pensée chez l'homme? C'est l'énergie. C'est quoi l'énergie? Ah, le médecin va dire qu'il y a un système de neurones qui permet de... Oui, mais qu'est-ce qui engendre le début dans les neurones? Ah, oh, ben, ça, on le sait pas. T'sais, laissez-nous le temps. C'est de l'énergie. L'énergie radioactive, c'est de l'énergie. Et au-delà du plan de l'homme, du plan matériel de l'homme, du plan cartésien du savant, on a d'autres formes d'énergie. Vous vivez, c'est la vie. Vous pensez, c'est la pensée. Vous avez des émotions, c'est de l'énergie. Et vous avez aussi un savoir instantané à un moment donné, c'est de l'énergie. Quand je parle d'énergie, je parle donc de tout ce qui est expérimentable par l'homme, mais qui n'est pas nécessairement compréhensible par l'homme. C'est de l'énergie. Dieu est de l'énergie. Est-ce qu'un maître aussi puissant dans son domaine spirituel, n'est-il pas aussi faible dans d'autres domaines? D'où il n'a pu devenir un grand maître comme le Nazaréen? Bon. Est-ce qu'un maître aussi puissant dans son domaine spirituel n'est-il pas aussi faible dans d'autres domaines? Premièrement, si la personne est son seul maître, elle est ce qu'elle est dans tous les domaines. Elle n'est pas puissante dans un et faible dans l'autre. Ce n'est pas un spécialiste. D'où il n'a pu devenir un grand maître comme le Nazaréen. Le Nazaréen n'est pas devenu un grand maître. C'est pas qu'il n'a pas pu. Imaginez-vous bien que le Nazaréen, lorsqu'il a dit à ses parents de sacrer son camp qu'il voulait être vivant en paix à l'âge de 12 ans, il était déjà à l'étape du grand maître. Ses parents sont venus le chercher, il a accepté de rester encore avec les parents. Et lorsqu'on lui demandait « Pourquoi tu ne vas pas parler? » »« Mon heure n'est pas venue. » Tous les grands maîtres ont dit « Sac, c'est vrai. » Ils sont partis parler. Sauvons l'humanité. Le Nazaréen, non, mon heure n'est pas venue. C'est pas qu'il n'a pas pu, c'est qu'il n'a pas voulu. Alors, lorsque l'ego est suffisamment puissant chez celui qui évolue, il se lance en mission, ce que les grands maîtres ont fait. Les maîtres, ce qu'ils font, c'est parfait, c'est même indéniablement parfait, c'est génial. Parce que si ça se fait, c'est que c'est permis, faites-vous-en pas. Ils manipulent pas Dieu, surtout pour manipuler. Ils le savent en plus, mais ils n'ont pas le choix pour l'instant. Alors, les maîtres ont accepté, ont décidé égoïquement, c'était beau, c'était ceci, ils sont lancés en carrière. Les Nazaréens, non. Il n'y a aucun maître qui s'est lancé en carrière de se faire crucifier, qui s'est lancé en carrière de se faire calomnier, qui s'est lancé en carrière de se faire baver dessus. Il n'y a pas un. Alors, c'était pas une carrière, le Nazaréen. C'était pas une mission qui s'est donnée comme ça, par plaisir égoïque. Il a mangé assez de sang, puis assez de poussière, puis assez d'épines. C'était pas une carrière. Les grands maîtres n'ont jamais souffert. Les grands maîtres, ça passe. C'est génial. Tout le monde est béni. On les adore de leur vivant. On les aime. On leur donne des fleurs. Ils nous nourrissent avec des pétales de roses. Les grands maîtres, c'est comme ça. Pas le Nazaréen. Le Nazaréen, c'était pas un grand maître. Le Nazaréen voulait pas sauver l'humanité comme tel. On l'a dit, oui, mais c'est pas ça qu'il voulait faire. C'est évident que c'est ça que ça donnait comme résultat. Ça, c'est sûr, le Nazaréen a pas refusé ça. Mais le Nazaréen a jamais voulu être un grand maître. Il a ramassé quelques apôtres qui lui servaient en même temps de protection. Et ça servait à accomplir ce qu'il avait à faire. Et il avait surtout comme rôle de néotyper les archétypes, donc d'instaurer une nouvelle religion plus axée sur le monothéisme et surtout sur l'amour, qui est l'attraction. Le Nazaréen, il n'a rien à voir avec le fait qu'il n'a pas pu être un grand maître. Il était puissant dans tous les domaines. Sauf à ce qu'il devait le prouver. Non, non, il avait à faire ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ceux qui se disent, oui, mais un roi aurait dû avoir des armées. Il aurait dû terrifier les Romains qui le crucifiaient. Oui, mais si c'était la seule manière que lui avait pour pouvoir retourner dans le monde des morts, aller finaliser ce qu'il avait à faire, ce qu'on appelle le retour aux enfers, ben, fallait bien qu'il passe par là. Elle s'est pas compris par ceux qui étaient là. Ben, tant pis. Tant pis. Comment expliquer qu'une personne désire un maître et une autre personne n'a pas ce désir? Parce qu'il y en a qui croient à la puissance du maître, tandis que d'autres ne veulent pas y croire à la puissance du maître. Il y en a aussi qui, au niveau égoïque, sont tellement jaloux que lorsqu'un humain a l'impression de savoir plus, on veut rien savoir, ça aborde déjà. Ça a toujours été mon cas, moi d'ailleurs, j'ai jamais pu sentir un maître. Même un livre écrit par un maître. Oh, présentement, je comprends les maîtres, mais je ne peux toujours pas plus les sentir. Comment expliquer qu'une personne désire un maître et une autre ne puisse pas le sentir? Ben, c'est ça. Comment c'est qu'une personne aime le chocolat, la crème glacée au chocolat et une autre la crème glacée à la vanille? Ben, c'est question de programmation génétique, c'est question de programmation astrale, c'est question de ceci, c'est question de cela, mais ça les regarde. Si vous aimez un maître, aimez-le, mais au moins, sortez avec. Pourquoi est-ce que les forces intelligentes ne nous manipulent-elles pas toujours? Parce que tu dis que les forces intelligentes nous manipulent à l'occasion seulement. Non, les forces intelligentes manipulent les forces inintelligentes qui manipulent l'astral, qui manipulent l'homme. Bon. Pourquoi est-ce que les forces intelligentes ne manipulent pas l'homme? La force intelligente ne peut manipuler l'homme intelligemment qu'à l'exclusive condition que l'homme puisse voir l'intelligence de l'intelligence. Alors, l'intelligence, souvent on va dire, pourquoi Dieu vient pas carrément éclairer Bebel sa planète? C'est pas le rôle de Dieu. C'est pas le rôle de l'intelligence de venir dire à l'homme, toi t'es cave là, puis tu vas faire ça de même, ça c'est intelligent. Mais il comprendra pas. Il sera jamais plus intelligent. Il va être révolté à la place. Ça va créer d'autres phénomènes lucifériens à un moment donné. Pourquoi il détruit pas tout? Parce que Dieu n'a pas le privilège de détruire. On dit qu'il a créé, il ne peut pas détruire. L'homme peut détruire. Pas Dieu. Dieu ne détruit jamais. Il laisse le temps. Un Dieu impatient détruirait, mais pas un Dieu. Un Dieu, c'est pas impatient, ça vit pas dans le temps. C'est omnipotent. C'est omniprésent, c'est omniscient. Pas de temps là-dedans. Alors donc, pourquoi l'intelligence ne manipule pas l'homme tout court pour la simple raison que l'intelligence ne peut pas manipuler l'homme? L'intelligence me manipule moi, c'est-à-dire que l'intelligence, je vois que j'ai soif, je vois que j'ai de l'eau, c'est intelligent, mais je bois l'eau, c'est tout, c'est ma manipulation. Tandis que la personne qui veut boire du vin, ben il n'y a aucune force intelligente qui va l'amener boire de l'eau. Son égo va mourir. Essayez de vous voir. Prenons les racistes. Ben vous faites l'amour avec des noirs. Ou avec des blancs, pour ceux qui sont noirs, ou avec des chinois, ou avec des nains. Bon. Hé, hey, l'intelligence vous manipule, vous allez faire l'amour avec un nain. Et vous tirez une balle dans la tête le lendemain matin, même la soirée même. Serais-tu intelligent? Non. Mais ça dirait, il n'y a pas de racisme à la planète. Est-ce que vous pourriez comprendre? Non, vous n'êtes pas prête. L'intelligence pourrait, par exemple, vous déshabiller en plein métro. Montrer l'humilité. Vous n'êtes pas prêt. L'intelligence ne manipule pas l'homme. L'intelligence, elle attend. Et l'homme va devenir intelligent parce que l'homme est intelligent. Mais vous devez préparer des processus qui vont permettre à l'intelligence d'être reçue par vous. C'est ça l'évolution. L'homme est déjà intelligent. On crée sur la planète une mécanicité pour permettre à l'intelligence d'avoir pied sur de la matière. C'est le rôle de l'homme. L'intelligence ne manipule pas l'homme. Dieu ne pourra ne jamais manipuler quelqu'un. Même la Bible ne peut pas arriver à dire. On a eu Abraham, on en a eu plusieurs, qui à un moment donné, on leur a suggéré, fais ce que tu veux faire, et puis nous, on va voir. L'intelligence ne manipule jamais. Les forces sataniques manipulent. Lorsqu'on vous dit, restez ici, c'est la religion. Faites attention, on vous manipule. Jamais l'intelligence ne manipule l'homme. Pourquoi Dieu donnerait-il la possibilité à l'homme de décider? Et dans les religions qu'il instaure, il oblige l'homme à une foi aveugle. Posez-vous la question. La foi aveugle n'est jamais donnée par les forces intelligentes. Jamais. Jamais. On laisse à l'homme le choix. Choisissez. La semaine prochaine, c'est quoi la conférence? La semaine prochaine, la puissance de l'homme, l'ajusteur. La puissance de l'homme nouveau, l'ajustement. Ah oui. Pourquoi être son seul maître? Savez-vous ce qu'est l'ajustement? L'ajustement, c'est ce qui va permettre à chacun d'entre ceux qui changent ici de traverser l'humanité sans faire souffrir l'humanité et sans plus en souffrir. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'ajustement. C'est de l'intelligence. L'intelligence ne manipule pas l'homme, il s'ajuste à lui. L'intelligence, on parle d'ajusteur de pensée, mais d'autres phénomènes aussi. Comment être capable d'être soi et avec sa femme ou son mari, pas être en guerre? L'ajustement. Comment être capable d'être soi et laisser notre enfant devenir ce qu'il a à être? L'ajustement. Comment être capable d'aller à l'église avec sa sœur ou sa cousine qui est malade et se sentir bien à l'église, même si ça fait 2 ans qu'on y va plus? L'ajustement. La puissance de l'homme nouveau, c'est l'ajustement. Si ça vous intéresse, c'est la conférence de vendredi prochain. En attendant, passez une bonne fête. Merci, Daniel.